بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد رأينا في أو قمنا في الأسبوع الماضي بمراجعة سريعة فيما يتعلق بشروط الصلاة وأركانها وواجباتها. Nous avons vu, la semaine dernière, on a fait une révision rapide des conditions de la prière, ses piliers, ses obligations. واليوم نستمر الكلام فيما يتعلق بسجود السهو. Aujourd'hui, on continue concernant le sujet de la prosternation, de la distraction. قال المؤلف رحمه الله عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي. قال ابن سيرين سماها أبو هريرة ولكن نسيت أنا. قال فصلى بنا ركعتين ثم سلم فقام إلى خشبة في المسجد فاتكأ عليها كأنه غضبان ووضع يده اليمنى على اليسرى وشبك بين أصابعه فخرجت السرعان من أبواب المسجد فقالوا قصرت الصلاة وفي القوم أبو بكر وعمر فهاب أن يكلماه وفي القوم رجل بيده طول يقال له ذو اليدين فقال يا رسول الله أنسيت أم قصرت الصلاة؟ قال لم أنس ولم تقصر. فقال بل نسيت. فقال أكما يقول ذو اليدين؟ فقالوا نعم. فتقدم فصلى ما ترك ثم سلم ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول ثم رفع رأسه فكبر ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول ثم رفع رأسه وكبر فربما سألوه ثم سلم فقال نبئت أن عمران بن حسين قال ثم سلم. Donc l'auteur qui nous dit, selon Mohammed ibn Sirin, selon Abi Hurayra radiallahu anh, qui dit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a accompli avec nous une des deux prières de l'après-midi. Ibn Sirin, il dit, Abu Huraira les a cités, Abu Huraira l'a cité, mais j'ai oublié, moi. Alors il dit, donc il a prié avec nous, le messager d'Allah, il a accompli avec nous deux unités de prière, puis il a fait le taslim. Deux unités de prière, puis il a fait le taslim. Alors que c'est l'après-midi, donc al-dhahr ou al-asr. Ensuite, il s'est dirigé vers un morceau de bois dans la mosquée et s'est appuyé sur celui-ci, comme s'il était énervé. Et il a mis sa main droite sur sa main gauche et il a donc fait le tashbik entre ses doigts. Le tashbik entre ses doigts, c'est rentrer les doigts les uns dans les autres, comme cela. Et les gens qui étaient pressés sont sortis des portes de la mosquée. Alors, les gens dirent, la prière a été raccourcie. Et parmi les gens, il y avait Abu Bakr et Omar. Mais ils n'osèrent pas parler au prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et il y avait parmi les gens un homme qui avait une longueur dans sa main. Et on l'appelait Zul Yadayn. Alors, il a dit, ô messager d'Allah, est-ce que tu as oublié ou alors la prière a été raccourcie? Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a répondu en disant, je n'ai pas oublié et elle n'a pas été raccourcie. Alors, Zul Yadayn a dit, mais au contraire, tu as oublié. Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, est-ce que c'est comme a dit Zul Yadayn? C'est-à-dire, est-ce que j'ai oublié? Alors, il dit, na'am, oui. Alors, à ce moment-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est levé. Il s'est avancé et il a prié, il a accompli ce qu'il avait délaissé, donc les deux autres unités de prière. Puis, il a fait le taslim. Puis, donc là on est après le taslim, Puis, il a fait le takbir, il a dit Allahu Akbar, et s'est prosterné comme ses prosternations, ou alors plus long. Puis, il a levé la tête en disant Allahu Akbar. Puis il a dit Allahu Akbar et s'est prosterné comme ses autres prosternations ou plus long. Puis il a levé la tête et a dit Allahu Akbar. Et il se peut qu'ils lui ont demandé, c'est-à-dire qu'ils ont demandé à Ibn Sirin, Thumma Sallam, concernant le fait de dire, concernant est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a fait le taslim après cela. Alors Ibn Sirin a répondu en disant, il m'a été rapporté que Imran ibn Hussein, il disait Thumma sallam. Puis le prophète, il a fait le taslim. Et donc, comme on a vu la parole lorsqu'il dit Ihda salatay al-ashi, donc une des deux prières de l'après-midi, on a dit donc, Cheikh Najmi nous dit donc c'est al-dhuhr ou al-asr. Et concernant la parole d'Ibn Sirin, Sammaha Abu Huraira, walakin nasitu ana. La parole d'Ibn Sirin, lorsqu'il dit Abu Huraira, il a cité quelle prière, mais moi, j'ai oublié. ففي هذا دقة المحدثين في الكلام وأن المرء لا يعاب لكونه ناسيا فإن النسيان أمر يصاب به الجميع وإنما الإشكال عند أهل الحديث عندما يكثر ذلك النسيان. Et donc, il y a dans cela le fait que la précision qu'ont les gens du hadith lorsqu'ils parlent, la précision lorsqu'ils parlent. Et le fait que l'individu n'est pas blâmé parce qu'il a oublié quelque chose, car nous sommes tous touchés par l'oubli. Cependant, le problème chez les savants du hadith, c'est lorsque cet oubli va augmenter, lorsque la personne va beaucoup oublier. C'est là qu'il va y avoir un problème chez les savants du hadith. واختلفت العلماء في النبي صلى الله عليه وسلم هل يجوز وقوع النسيان في حقه؟ Et les savants, donc, ils ont divergé concernant le prophète. Sallallahu alayhi wa sallam. Est-ce qu'il peut donc oublier ou pas? Est-ce que le prophète il peut oublier ou pas? Tu dis quoi toi? Oui, non. Non? Qu'est-ce qui vient de se passer là? Qu'est-ce qui va se passer? Tu dis quoi? Fil wahi, donc fil tablir, dans la transmission. Tu es d'accord avec lui? Non. C'est-à-dire que là il a fait une erreur dans la phrase. Il fait que dans la salat, il va. Donc, fait établir, on fait la distinction entre l'établir, le fait de transmettre ou pas. Oui. D'accord. Tayyib. Fekol et ta'ifatun, au fekile, la yajuz ou an yaka alayhi nisyan. Il fut dit, donc certains savants ont dit que ce n'est pas permis, il n'est pas possible que le prophète il oublie. Et cette parole, il n'y a aucun doute sur le fait qu'elle est caduque. Fekornu Nabi sallallahu alayhi wa sallam akhbara, likornu Nabi sallallahu alayhi wa sallam akhbara annahu yansa kama fi sahihayn. Innama ana basharun mithlukum ansa kama tansaun. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a informé comme dans sahihayn, sahih al-Bukhari et muslim, il a dit, je suis un être humain comme vous. J'oublie comme vous oubliez. وفرق بعض العلماء بين ما يتعلق بالتبليغ وما يتعلق وما لا يتعلق به فقالوا انه لا يجوز وقوع النسيان على النبي صلى الله عليه وسلم في التبليغ. Et certains savants, ils ont fait la distinction concernant la transmission, le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il transmet la religion et les autres paroles ou actes du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont dit concernant la transmission, il ne peut pas oublier. Concernant la transmission, il est préservé, il ne va pas oublier. Mais concernant le reste, il va oublier, il peut oublier, sallallahu alayhi wa sallam. وَرَجَّحَ الْعَلَّمَةُ أَحْمَدُ النَّجْمِ جَوَازَ وُقُوعِ النِّسْيَانِ عَلَى النَّبِيِّ sallallahu alayhi wa sallam فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِالنِّسْيَانِ مُقَيَّدًا بِالْمَشِيئَةِ الشَّرْعِيَّةِ كما في قول الله تعالى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله. Et le Cheikh Ahmed al-Najmi rahimahullah, il a choisi l'avis qui stipule que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il peut oublier même concernant les sujets qui sont liés à la transmission de la religion, mais que cela est lié à la volonté législative, la volonté d'Allah tabaraka wa ta'ala. Comme dans la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala, c'est nukri ou kafe la tansa, illa masha Allah. Nous allons te faire réciter afin que tu n'oublies pas, sauf ce que Allah veut. Sauf ce que Allah tabaraka wa ta'ala veut. Et il y a aussi la parole d'Allah ta'ala, mais nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khayrin minha aw mithliha. Ce que nous abrogeons comme verset ou que nous faisons oublier, alors nous venons avec l'identique ou alors mieux. Wa kadhalika fi sahihayn min hadith Abi Sa'id anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam qala uritu laylat al-qadr thumma unsituha. Dans Sahihayn, selon Abi Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu, que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: la nuit du destin m'a été montrée, puis on m'a fait l'oublier. Et donc, yajuz ou la yajuz? C'est fini, je pense. طيب وقوله وقوله وشبك بين أصابعه. Et donc lorsqu'il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a fait, donc il a rejoint ses doigts, il a croisé ses doigts, donc comme ceci, dans la mosquée. جاء في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأ أحدكم فأحسن وضوءه ثم خرج عامدا إلى المسجد فلا يشبكن بين يديه فإنه في صلاة. Il a été cité dans le recueil de Abi Daoud que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: lorsque l'un d'entre vous fait ses ablutions et qu'il les accomplit correctement, puis qu'il sort en ayant l'intention d'aller à la mosquée, alors qu'il ne croise pas ses droits, les droits de sa main, car il est dans la prière, fa innahu fi salah. Wa fi lafzin fa innahu fi salatihi. Donc dans une narration, il est dans sa prière. Idhan najma'u bayna al-hadithayn wa naqul innal mar' in kana yantadhiru as-salat fa la yushabbiku bayna asabi'ihi. لأنه في صلاة. أما إن فرغ منها فلا بأس بذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله. Et donc comment on rassemble les deux hadiths? Le fait que le prophète, il a interdit de le faire et il l'a fait. Tout simplement, le fait que l'individu, s'il attend la prière ou se dirige vers la mosquée pour prier, alors il ne le fait pas. Mais lorsqu'il finit la prière, alors à ce moment-là, il n'y a pas de mal à le faire car le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a fait. Wa fi qawlihi wa kharajat as-sara'an 'an abwab al-masjid. Et les gens qui étaient pressés sont sortis donc des portes de la mosquée. Min al-ma'lum anna min an-nas man lahu ashghal fa la yulamu al-mar'u bi khurujihi min al-masjid mubasharatan ba'da as-salat. Il est connu qu'il y a parmi les gens certains qui sont occupés, ils ont des occupations. Et donc, on ne peut pas blâmer une personne sous prétexte qu'elle est sortie de la mosquée précipitamment après la salat. Tu ne peux pas blâmer une personne pour ça. Alhamdulillah, la personne, elle a fait son obligation, elle est venue accomplir sa prière obligatoire à la mosquée. Alhamdulillah. Si après cela, la personne a une occupation quelconque, ne va pas déranger cette personne ou la frustrer. Naam, la shak, anna kawna al-mar, yantadhir ba'd as-salat. ويذكر الله تبارك وتعالى أو يذكر الله تبارك وتعالى لا شك أن هذا أفضل لكن كما قلنا الناس يتفاوتون. Il n'y a nul doute que le fait que la personne reste à attendre après la salat et qu'elle fasse le rappel d'Allah tabaraka wa ta'ala, elle invoque Allah, c'est mieux, c'est sûr. Mais il se peut que, comme on a dit, les gens ont des occupations, les gens n'ont pas tous les mêmes activités. Et donc il faut que tu prennes ça en compte. Et il y a aussi dans sa parole wa fil qawmi Abu Bakr wa Umar fahaba an yukallima. Et il y avait parmi les gens Abu Bakr et Omar et ils n'ont pas osé lui parler. هذا دليل على فضل أبي بكر وعمر على فضلهما على غيرهم على غيرهما من من هذه الأمة. Ceci est une preuve qui montre les mérites qu'ont Abu Bakr et Omar et leur rang au-dessus des autres personnes de cette communauté. فإن أبا هريرة ميزهما عن غيرهما. Car Abu Huraira, il a fait la distinction entre Abu Bakr et Omar et les autres. كأنه قال وفي القوم أبو بكر وعمر فلم يتكلم أحد حتى أبو بكر وعمر لم يتكلم. C'est comme si Abu Huraira nous disait, et donc il y avait parmi les gens Abu Bakr et Omar, personne n'a parlé. Même Abu Bakr et Omar n'ont pas parlé. Et donc là, il a fait une distinction entre Abu Bakr et Omar et les autres. Et dans sa parole, lorsqu'il dit « Wa fil qawmi rajulun biyadihi tul yuqalu lahu dhul yadayn fa qala ya rasulallah anasita am qasurat as-salat » Et donc, et aussi lorsqu'il nous dit « Il y avait parmi les gens un homme qui avait une longueur, une longue main. » Et cet homme fut appelé Dhul Yadayn. Cet homme, il a dit, oh messager d'Allah, est-ce que tu as oublié ou la prière a été raccourcie? Ta'ammalu fi hadha. Méditez sur cela. As-sahaba mawjoudoun wa sakatu. Les compagnons sont présents, ils se sont tus. Hatta Abu Bakr wa Omar, même Abu Bakr et Omar, ils se sont tus, radiallahu anhuma. Wa huma afdaluhum. Et Abu Bakr et Omar, c'étaient les meilleurs des compagnons. Les meilleurs des compagnons, ils se sont tus. Fatakallama Dhul Yadayn. Et Dhul Yadayn, il a parlé. Falam yarid anna ahadan min as-sahabati qala limadha takallamta wa lam yatakallam Abu Bakr wa Omar. Et donc il a parlé Dhul Yadayn et il n'a pas été rapporté qu'aucun des compagnons ait dit pourquoi est-ce que tu parles alors que Abu Bakr et Omar n'ont pas parlé. Cela n'a pas été rapporté qu'un des compagnons a blâmé Dhul Yadayn pour cette question. Mais au contraire, jusqu'à aujourd'hui, nous les musulmans, nous profitons de cette question qu'il a posée Dhul Yadayn. Nous profitons de cette question qu'il a posée jusqu'à aujourd'hui. ذلك لأن الكلام حق. Et ceci parce que c'était une parole de vérité. ولننظر الآن مع الناس في هذه البلاد. Alors comparons, on fait la comparaison maintenant avec les gens ici. فتنة المصافقة قد فرقت بين المسلمين في بلاد شتى. La فتنة des مصافقة, elle a divisé les musulmans dans plusieurs pays. Dans plusieurs pays. Ou fi France, كذلك. Fait wasal al-amr ila France. Jusqu'à ce qu'elle arrive, cette fitna, en France. Wa at-tullab alladhina kanu ma'rufin bi'annahum darasu 'inda al-mashayikh sakatu aw saqatu. Et les étudiants qui étaient connus pour avoir étudié chez les mashayikh, ils se sont tus. Ou alors ils sont tombés dans la fitna. فَتَكَلَّمَ غَيْرُهُمْ وَبَيَّنُوا لِلنَّاسِ الْحَقِّ. Alors d'autres étudiants ont parlé et ont montré la vérité aux gens. فَقَالَ بَعْدُ النَّاسِ لِمَاذَ تَتَكَلَّمُونَ وَلِمَاذَ تَتَكَلَّمُونَ وَمَنْ هُوَ أَكْبَرُ مِنْكُمْ لَمْ يَتَكَلَّمْ. Alors certaines personnes ont dit « Pourquoi est-ce que vous parlez alors que des gens plus grands que vous n'ont pas parlé ?» Comme si ceux qui avaient parlé n'avaient pas parlé, n'avaient pas été en accord avec les grands savants, en plus de cela. Donc premièrement, le fait qu'une personne parle et que cette personne n'est pas la plus âgée, ce n'est pas une raison pour que cette personne soit blâmée à la base. Que dire lorsque cette personne a avec elle les grands savants? Que dire lorsque cette personne a avec elle les grands savants? Il faut faire attention. Il faut bien étudier la sunna, le comportement des pieux prédécesseurs, le Coran, afin de ne pas dire n'importe quoi dans la religion d'Allah tabaraka wa ta'ala, il n'y a nul doute que la base, l'asl, an yatakallam al-kibir. Il n'y a nul doute que la base, c'est que c'est celui qui est plus âgé qui va parler. Taïb. Et si ceux qui sont plus âgés, ils se taisent? Et si ceux qui sont plus âgés, ils se taisent? Tout le monde se tait? فَلَا نَأْمُرُ بِالْمَعْرُوفِ وَلَا نَنْهَا عَنِ الْمُنْكَرِ. Tout le monde se tait parce que les plus âgés n'ont pas parlé, alors à ce moment-là, on n'ordonne pas le bien et on n'interdit pas le mal. On laisse les gens dans le mal, dans le péché. Non, يَجِبُ أَنْ يَتَكَلَّمَ النَّاسِ. Il est obligatoire que les gens parlent. Il est obligatoire qu'il y ait parmi les gens certains qui parlent. Il est obligatoire. Cela est un ordre venant d'Allah tabaraka wa ta'ala. Nous ne pouvons pas laisser l'ordre du bien et l'interdiction du mal. Nous ne pouvons pas délaisser cela. لأن الحق أكبر من كل أحد. Car la vérité est plus grande que tous. La vérité est plus grande que tous. Ici, Dhul Yadayn a parlé, Abu Bakr et Omar se sont tus. Personne n'a blâmé Dhul Yadayn. Jusqu'à aujourd'hui. Personne ne le blâme. Jusqu'à aujourd'hui. ونستفيد من هذا السؤال. Et on profite de cette question. Je voulais commencer à rentrer justement dans Sujud al-Sahw, la prosternation de la distraction, et les divergences des savants par rapport à ce sujet. Mais le cours d'aujourd'hui, étant donné qu'il commence à 22h et que là ça fait déjà 22 minutes, on va arrêter là pour aujourd'hui et demain, Inch'Allah ta'ala, on reprend. Et on reprend ce hadith, on va le finir. Non, on ne va pas le finir demain, Inch'Allah, mais on va continuer demain le hadith. Bi'idnillahi ta'ala, on verra la divergence des savants concernant Sujud al-Sahw, la prosternation de la distraction. Mais on l'a déjà vu cette divergence. On l'a déjà vu ça. Wafaq Allahu al-jami'a lima yuhibbuhu wa yardah. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين جزاكم الله خيرا